contradictoire. C'est dans la douleur qu'on pratique l'art. Ma vie quand ma combat, j'échangerai bien mes peines contre la victoire. Envers et contre tous, ce monde me saoule, enfer et ronde de fou. Je fais des rêves où les nuages m'inondent dessous. Par ta fait le ventre vide, dans la routine malsaine tu rentres vite. C'est pas le week-end qui paye mais vivement vendredi. Je suis comme un gosse qui attend juste que son dessert arrive. Survivre sans cours et sans boussole dans un désert aride. La flamme s'éteint alors j'écris à la lumière lunaire. Il faut que je récupère du zèle, pas pour la dernière paire de lunettes. Faut faire manger la mif, faire face quand le danger arrive. Pas la vie de rêve, jamais j'irai changer ma vie. Tu sais déjà que moi il me faut pas grand chose. Un peu de pilon, un peu d'amour et que tous mes potos lèvent les bras quand je pose. Ça fume et rap, la réalité nous remet sur les rails. On reste tous vulnérables attendant le jour de nos funérailles. On vit dans un monde de brutes, on a le cœur musclé. On défend les pensées de ceux qu'on la gueule muselée. Ici on prête, corrige, pas de rhétorique. T'es pas dans le réseau fisc, que dis pas pour la retraite mais pour les frais d'hospice. On vit dans un monde de brutes, on a le cœur musclé. On défend les pensées de ceux qu'on la gueule muselée. Ici on prête, corrige, pas de rhétorique. T'es pas dans le réseau fisc, que dis pas pour la retraite mais pour les frais d'hospice. J'arrive vénère envers et contre tout. Nous sommes des monstres tous. Rien nous choque, je savais bien qu'on ferait le contre-coup. Monde de fou où tu te fous de tout ce qu'on te montre autour. Des contre-tours, le shoot, tes couilles se couvrent. Mais les démons te retrouvent. Pourquoi tant d'actes aussi qu'on s'accentue? Y'a trop de jaloux dans le son, alors on s'y consacre sans thune. Qu'attends-tu pour enfin être attentif? Je prouve en vain que l'état menti, prétendant que ça t'en tue. Tu me dis, c'est ça ton tube? Je réponds, va te faire niquer. Tu dénigres le rap, tant pis. Écoute ton fater kicker. Yeah. J'ai la haine envers tellement de choses que ça te surprendrait autant qu'une meuf mortellement chaud. J'ai le sang chaud. Mais ça je te l'ai déjà dit, ça je l'ai déjà dit. Devant les chattes que l'été jardine, perd sans chose. J'esquive les pieds, j'arrive. J'prends mon squelette et j'arrive. Près des squelettes et Biarritz. On vit dans un monde de brutes, on a le cœur musclé. On défend les pensées de ceux qu'on la gueule muselée. Ici on prête, corrige, pas de rhétorique. T'es pas dans le réseau fisc, que dis pas pour la retraite mais pour les frais d'hospice. On vit dans un monde de brutes, on a le cœur musclé. On défend les pensées de ceux qu'on la gueule muselée. Ici on prête, corrige, pas de rhétorique. T'es pas dans le réseau fisc, que dis pas pour la retraite mais pour les frais d'hospice.